Le beau voyage par Pierre Thibault, chapitre 1er. Chez Abraham Sœur, soirée velours en gros, c'était l'usage chaque année après l'inventaire de distribuer au personnel quelques miettes des bénéfices accusés par le bilan. Distribution équitable, les plus grosses gratifications favorisant les employés bien appointés, tandis que le fretin ne recevait qu'une manne parcimonieuse. Humble coadjuteur du chef comptable, M. Bimouillet et M. Tautru devaient moins à leur mérite qu'à leurs 25 années d'obscur et loyaux service de se trouver dans la catégorie moyenne de ceux qu'on ne gratifiait ni trop ni trop peu. En retirant leurs manches de lustrine, ce soir-là, ils échangèrent un regard complice. Sur leur cœur ému, ils portaient tous deux le témoignage palpable, crissant et filigrané des munificences d'Abraham Sœur. 200 francs en images de Luc-Olivier Merson, où des dames calipiges et des petits-enfants sans chemise symbolisaient la prospérité économique de la France. Il le tenait enfin le sésame qu'allait ouvrir la porte de cet Éden vers lequel, depuis qu'ils scribouillaient côte à côte des relevés et des factures, leur rêve fraternel n'avait cessé de s'envoler. La Côte d'Azur, Nice, Monte-Carlo, 25 années, ça avait été le songe ardent de leur nuit. Le mirage enchanteur et décevant de leur veille, toujours interposé entre leurs visages penchés et leur morne besogne, que deux fois, par la magie de l'obsession, l'étroite pièce malpropre et sombre dans laquelle ils travaillaient s'était métamorphosée soudain en un éclatant bosquet de mimosas criblé de soleil et planté sur un rocher roux au beau milieu de la baie des Anges. Mais les inventaires avaient succédé aux inventaires. Les gratifications, lentement accrues, avaient durant 5 lustres dispensé à M. Bimouillet et M. Tautru de brèves opulences, et jamais ils n'avaient pu obtenir d'Abraham Sœur les 15 jours de congé nécessaires au merveilleux voyage. Car, par un puéril entêtement, ils ne voulaient point d'une riviera d'été, et Abraham Sœur s'obstinait à ne leur accorder des vacances qu'en pleine canicule. La riviera l'été, quelle erreur! Le prodigieux, c'est de ne pas quitter 20 degrés de chaleur pour en trouver 30, c'est de se promener en chapeau de paille pendant que les camarades ont l'onglet. Alors, tous les ans, M. Bimouillet et M. Tautru avaient mélancoliquement gaspillé leurs loisirs et leurs économies en ripailles champêtres à Nogent-sur-Marne, Robinson, Asnières et autres banlieues dénuées d'imprévus. La gourmandise était en effet leur péché mignon. Ils logeaient en garni et s'habillaient à la confection, mais ils aimaient les plats fins et les bouteilles cachetées, si bien que ces genres de chiffres, appliqués du matin au soir, à traquer l'erreur et l'omission à travers la comptabilité d'autrui, administraient leur propre budget d'une façon déplorable et se trouvaient régulièrement débiteurs de leur gargotier à tous les fins de mois. De loin en loin, ils se le reprochaient mutuellement et prenaient de vaines résolutions d'abstinence. On ne change pas la 50aine sonnée. Tout de même, aujourd'hui, malgré la joie surhumaine qui les grise, ils pleureraient volontiers sur tant d'or sacrifié au culte de leur estomac. Ah, s'ils avaient pu prévoir ce congé, si Abraham Sœur leur avait seulement laissé entrevoir la possibilité de ce congé, ils auraient jugulé leur gourmandise, vécu de pain sec et d'eau claire, condamné leur maudit palais de satrape à une austérité monacale. Au contraire, ne soupçonnant rien des magnanimes intentions de leur patron, ils avaient stupidement dissipé leurs ressources et le 14 du mois, ils se trouvaient à la tête d'une fortune liquide d'exactement 617 francs 40 centimes, gratification comprise, de laquelle il faudrait défalquer le prix de quelques compléments et accessoires de toilette indispensables à quiconque souhaite faire figure d'honnête homme sur les rives élégantes de la Méditerranée. Renoncer au voyage, ils n'envisagèrent même pas cette héroïque solution. Ils n'étaient que des hommes, ils portaient un rêve vieux d'un quart de siècle. « Eh bien ça, pour un coup, c'est un coup !» s'écria M. Bimouillet en boutonnant frileusement sur son abdomen rondelet un par-dessus jadis noir, aujourd'hui vert bronze, et dont le style était sans âge. « Oui, c'est un coup !» répéta en écho mélancolique la voix grave de M. Tautru. M. Tautru n'avait pas de par-dessus. Il n'en portait jamais parce qu'il aborait d'être gêné dans ses entournures, embarrassé dans sa marche. Une longue pèlerine à capuchon le couvrait du col au jarret. Sa tête sèche, anguleuse, terriblement moustachue, émergeant de cette cloche, l'ensemble du personnage faisait songer à un capitaine fracasse de théâtre forain et l'on cherchait sous la cape au plis là la pointe dérisoire d'une rapière de carton. mais cet autrui mesurait 1,75 m sous la toise. Son compagnon lui venait à peine à l'épaule. Entre eux, la dissemblance ne se bornait point là, et ainsi se vérifiait une fois de plus la loi de l'attraction des contraires qui régit le monde au nez et à la barbe de l'illustre inventeur des affinités électives. Au visage osseux et farouche de Tautru, Bimouillet opposait une ronde figure glabre, benoîte, épanouie, exempte du moindre sillon d'amertume, et qui était comme l'enseigne de son âme débordante d'optimisme. Au sortir du couloir tortueux de la rue d'Aboukir, où l'ombre tassée entre les façades plates était hostile et glaciale, les deux amis avisèrent, rurés au mur, un bar aux vitres illuminées. Un large flot de clarté inondait le trottoir, devant la porte, comme pour montrer aux passants transis le chemin de la bonne retraite, de l'oasis chaude au cœur de l'hiver. Ils entrèrent et s'assirent à une table. M. Tautru commanda une oxygénée, Bimouillet un export cassis, et ils demandèrent l'indicateur. Courbé sur le grimoire, l'index glissant d'une colonne à l'autre, du train 520 qui n'a pas d'astérisque au train 636 qui en a deux, du train 40 indice D pour lequel il faut consulter la note A de la page 12, au train 18 indice Z qui vous a l'air d'aller au diable et qui reste en panne à Fontainebleau, Tautru et Bimouillet se trouvèrent aux prises avec les affres de l'indécision. Soudain, Bimouillet immobilisa son doigt vagabond et rugit. « Eh, vieux, le voilà, le train est patent. Regarde-moi ça, on part de Paris à... » Mais Tautru haussa ironiquement ses épaules pointues et coupa net un siffle enthousiasme. « Idiot, sais-tu lire? Rapide, première classe. Pourquoi pas louer un compartiment dans le sleeping? Zut de zut !» grogna Bimouillet. « Je n'avais pas remarqué. » Il fit rentrer dans le rang son index confus. Cependant, Tautru poursuivait ses investigations méthodiques et sagaces. À son tour, il piqua de l'ongle une colonne et déclara péremptoirement « Celui-ci !» Et Bimouillet déchiffra « Express, 1, 2, 3, départ de Paris, 7h15 matin, arrivé à Marseille, 0h05. » Cette question liquidée, ils abordèrent l'autre, la grande, la question financière. Tautru alignait des sommes, au crayon, sur le marbre blanc de la table, et ses sourcils rapprochés, la crispation douloureuse de ses traits, disaient assez les difficultés du problème qu'il s'ingéniait à résoudre. D'un œil narquois, Bimouillet suivait les laborieux calculs de son ami. Il chantonnait « Moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une idée. » Impatienté, Tautru inonda d'une cuillerée d'oxygéné le fruit de son labeur. Il passa sa main sèche sur le marbre. Le projet de budget fut anéanti. Les colères de Tautru étaient toujours silencieuses et terribles, mais elles comblaient d'aise le placide Bimouillet. « Moi, j'ai une idée, » répéta-t-il, sans cesser de sourire malignement. « Et mon idée, c'est qu'au lieu de gaspiller notre argent dans un aller-retour, nous ne prenions qu'un aller. Mais j'ai l'intention de finir ses jours sur la Côte d'Azur. Non, Tautru, non. Mais j'ai l'intention d'arriver à Monte-Carlo avec la plus grosse galette possible dans nos poches. Parfait. Alors préparons-nous à rentrer à Paris à pied, par la route. Nous rentrerons en wagon-lit, grincheux de mon cœur, et en attendant... « Nous vivons là-bas comme des boyards, comme des grands-ducs. Pff ! Il n'y a pas de pff ! Aussitôt débarqué à Monte-Carlo, tu cours au casino, tu joues, tu gagnes. Je gagne, tu gagnes. Tu gagnes parce que depuis 25 ans que je joue à la manie avec toi, je ne t'ai jamais vu perdre. Pardon ? Oui, tu perds quand tu veux bien perdre, quand tu te mets en travers de la chance. Mais la roulette, on ne peut pas faire exprès de perdre. On ne peut pas contrarier la chance, donc tu gagneras. » Il est impossible qu'un type, qu'un respectable citoyen qui a eu de la veine pendant 25 ans cesse tout à coup d'en avoir. Voyons, voyons, Tautru, c'est des choses qui n'arrivent pas. Ébranlé, flatté aussi par ces déductions lumineuses et probantes, Tautru hochait la tête, tortillait sa moustache et, malgré sa manie de contredire, ne trouvait plus en vérité aucun argument valable à opposer à la motion Bimouillet. Elle fut votée à l'unanimité. Lorsqu'ils quittèrent le café, Bimouillet, triomphateur indécent, portait le front haut, trottait sec et se frottait les mains, et Tautru, au contraire, marchait pesamment, lentement, gravement, comme ployé déjà sous le fait des prochaines responsabilités. Ils dînèrent d'une sardine à l'huile et d'un ragoût spartiate arrosé d'eau claire.